Vous verriez la tête que je fais quand je sors de l'usine. Je peux pas dire que ma copine soit la fée Mélusine. J'ai la tête comme une citrouille, mais je suis pas Cendrillon. J'ai plutôt l'air d'une andouille qui attend l'extrême onction. Vous verriez la tête que je fais. Vous verriez la tête que je fais. Vous verriez la tête que je fais quand je rentre dans le métro. Je ne suis pas tout seul, on est tous plus ou moins égaux. Il y en a même qui, par pudeur, se cachent derrière leurs journaux. Mais aux nouvelles qu'on annonce, ils doivent pas être jojo. Vous verriez la tête qu'on fait. Vous verriez la tête qu'on fait. Vous verriez la tête qu'on fait quand on va défiler. Pour dire qu'on n'est pas content du sort qui nous est fait. Il paraît que certains bourgeois, cette chose-là les effraie. Il ne tient qu'à eux, parbleu, de s'arrêter, de trembler. Vous verriez la tête qu'ils font. Vous verriez la tête qu'ils font. Mais voilà que les argousins, avec leurs petits bâtons, et qui dans le genre commercial ne font pas de concessions, tapent sur le public au nom de la Sainte République. Et blague sur mon œil, je reçois un bout de leur réplique. Vous verriez la tête qu'ils m'ont fait. Vous verriez la tête qu'ils m'ont fait. Mais ce qui se passe à l'extérieur est vraiment très mineur. Ce qui se mijote à l'intérieur prouve que je deviens majeur. Et je sais de source sûre qu'aux prochaines élections, si ça nous fait réfléchir, on ne sera plus les pigeons. Vous verrez la tête qu'ils feront. Vous verrez la tête qu'ils feront. Vous verrez la tête qu'ils feront. Vous verrez la tête qu'ils feront.